vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Cette semaine, Italie et mafia. C'est quoi tous ces agents qui nous gardent à vue? Vous voulez nous énerver ou quoi? Anthropologie, économie et histoire. Et déjà dans les sociétés secrètes carbonari, toute personne qui collabore avec la justice est condamnée à mort. C'est pour venger la mort des 7 membres de sa famille abattus que Buccetta a décidé de se mettre à table. Là où on a le moins de repenti, c'est la mafia calabraise, parce que là, on est sur une dimension familiale très très forte. D'accord, je suis prêt à vous parler du pouvoir politique. En commençant par Giulio Andreotti. On croit que la mafia est le fruit de la pauvreté, mais pas du tout. Elle est née, au contraire, dans les zones riches. Si vous me demandez, est-ce que vous saviez si certains étaient en contact avec la mafia, je refuse de répondre à une calomnie contre moi. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Déborah Puccioden, anthropologue, chercheur au CNRS, rattachée au LAIOS-IAC, laboratoire de l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà une présentation télégraphique, rapide, mais quelle a été peut-être la première porte d'entrée? C'est une question de circonstance, de rencontre avec des personnes, d'un sujet? Je crois que l'anthropologie, c'est une manière d'être avant tout, une manière de penser, de penser le monde, de penser la société et l'humanité. Et c'est ça ce qui m'a amené à m'intéresser à cette discipline. Après, ce qu'on appelle les terrains en anthropologie, c'est-à-dire les objets de recherche qu'on choisit et la manière de les développer dans des lieux très situés à travers le contact avec des sociétés, des hommes, des femmes, peuvent être divers, différents, peuvent changer au cours d'une vie. Dans un premier travail, je me suis intéressée au carnaval. Un thème qui peut paraître très lointain de mes préoccupations actuelles sur la mafia. Quoique, parce que j'ai travaillé sur des rituels de carnaval, j'ai travaillé sur des masques et des dévoilements. Et ensuite, lorsque j'ai travaillé sur la mafia, j'ai travaillé sur ces mêmes processus de dévoilement de quelque chose. Donc cette fois, ce n'était pas des personnes qui étaient à dévoiler, mais c'était une chose au contour indéfini, incertain, comme cosa nostra, notre chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Comment l'identifier? Ce qui était tout le problème conceptuel, juridique et social de la mafia, et que se sont posés des juristes et des magistrats en Italie de manière de plus en plus pressante au fur et à mesure que c'est quelque chose qui était la mafia donnait en tout cas des signes assez alarmants, se manifester de manière de plus en plus violente. Donc les rituels peuvent, dans des sociétés dites traditionnelles, définir l'identité des hommes ou des femmes, dans mon cas, qui sont impliqués. Moi, j'ai travaillé sur la manière dont les procédures judiciaires, actes juridiques, définissent la nature de la mafia. Déborah Puccioden, dans les sociétés modernes dans lesquelles nous vivons, ce que l'on pourrait appeler rituel aujourd'hui, est-ce une manière d'aller puiser, comme avec un grand filet à crevettes, dans le passé pour essayer de reconvoquer la notion de rituel? Quelle est votre appréciation? Alors, justement, en fait, une des originalités peut-être que je peux en partie attribuer à la démarche que j'ai choisie, a été celle d'aller au-delà de ces partages entre archaïsme et modernité, qui empêchent de comprendre beaucoup de phénomènes humains, sociaux, dont la mafia, justement. La mafia qui est un phénomène à la fois archaïque et moderne, mais qui n'est finalement ni archaïque ni moderne. Enfin, il est ce qu'il est, comme tous les autres phénomènes. Il emprunte à différents registres, hein. Donc, il n'y a pas d'étanchéité. Voilà. C'est ça, il n'y a pas d'étanchéité entre la mafia et la société, parce que c'est justement le caractère principal de la mafia, ce qui fait que c'est de la mafia et pas une criminalité commune. C'est la proximité, plus ou moins grande, mais qui existe toujours avec la réalité sociale, politique, italienne, voire mondiale. Donc, le rituel, c'est un thème qui est très important, le rituel d'initiation mafieux, d'initiation à la mafia. C'est un élément qui a été malheureusement négligé par les anthropologues, par les chercheurs en sciences sociales qui se sont intéressés à la mafia, qui l'ont considéré comme un fait archaïque. Justement, comme quelque chose qui fait partie un petit peu du folklore de la mafia. Voilà, un artefact, quelque chose voilà, qui montre un certain archaïsme de la mafia. Or, de fait, lorsqu'on regarde de près ce qui se passe dans ces rituels, on se rend compte que c'est extrêmement important, que c'est un moment fondateur de toute la pratique criminelle du mafieux. Parce que qu'est-ce qu'il fait à ces moments, le mafieux? D'accord, il se pique le doigt, ou il se fait piquer le doigt par son parrain, et il fait couler une goutte de sang sur une image religieuse, souvent la Vierge. Or, ce doigt-là, et ça a été raconté par tous les hommes d'honneur, comme ils s'appellent, qui ont raconté leur rituel, à des magistrats par exemple, c'est le doigt par lequel on tire, c'est le doigt par lequel on tue. Ces mélanges de sang qui a lieu lors de l'initiation, c'est déjà un premier moment pour mettre en commun cet acte. Cet acte qui ne sera pas réalisé comme un acte individuel, personnel, de vengeance par exemple, ou qui concerne l'individu en tant que tel, mais comme un acte collectif. Doit-on peut-être imaginer aussi, et sans doute avez-vous aussi travaillé là-dessus, Déborah Putschoden, pour voir dans le domaine de la poule et l'œuf, quel est le début, quelle est l'origine, où y a-t-il un système un peu cyclique qui voudrait que on a recours à du rituel pour inscrire ou s'inscrire dans une véritable histoire et non pas être simplement dans une accumulation artificielle dont le but premier avant tout est celui du droit du plus fort. Est-ce que le rituel est un prétexte ou il a de ce point de vue-là une nature réelle ou peut-être les deux d'ailleurs? Peut-être les deux d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a considéré ces rituels qui donnent accès aussi à un mythe, celui de la mafia comme une instance de justice. Hein. On l'a considéré comme un artefact de la mythologie, donc quelque chose de l'ordre d'une histoire qu'on se raconte finalement pour justifier le crime. Ce qui est en partie vrai. Mais il se trouve aussi que les mafieux, ils croient aussi à ces histoires et à ces mythes, que non seulement les mafieux, mais aussi la population sicilienne a pu croire à ces mythes et a pu expérimenter aussi l'efficacité de la justice mafieuse dans la société, jusqu'à un certain niveau de performativité. Et donc, vous voyez, c'est difficile de dire jusqu'à quelle mesure, parce qu'il s'agit de régime de croyance. Ce sont des affaires de proportionnalité, autrement voilà, dit. Voilà, on est dans des nuanciers. Hein, chic, qui, alors, oserais-je dire. Voilà, dans toute une palette de comportements, de formes de croyances, où il est très difficile de départager le vrai du faux, la mauvaise de la bonne foi, et c'est toute la difficulté de cette opération. En 1984, le mafieux Tommaso Buscetta décrit à Falcone et au juge de Palerme l'architecture de la mafia, inconnue jusqu'alors. Le juge Falcone peut enfin monter le premier grand procès de mafia, baptisé le maxi-procès. À ce jour, le maxi-procès reste un événement historique. C'est le plus grand procès pénal du monde fait à la mafia. Il dure un an et demi et se conclut avec 19 condamnations à perpétuité et 2965 années de prison. Et 2965 années de condamne à imputati. Alors, vous avez prononcé, Deborah Bouchaudin, quelque chose qui a pu peut-être étonner l'oreille de nos auditeurs, à savoir la notion de justice mafieuse. Et c'est précisément dans votre article « Tribunaux criminels et fictions de justice, la commission de la mafia sicilienne » qu'il nous faut peut-être nous tourner pour mieux comprendre. En commençant peut-être d'ailleurs par la présentation de cette dernière, la commission, ou autrement dit la coupole, autrement dit le théorème Buscetta. De quoi s'agit-il ? Racontez-nous ça, parce que nous n'en savons rien. Le théorème Buscetta est une théorie formulée par le premier, en tout cas le plus important repenti de la mafia, Tommaso Buscetta, qui a révolutionné le paradigme de compréhension du phénomène mafieux. C'était une première. Alors, ce qui est très intéressant, c'est justement que ce n'était pas une première. Tonnerre. C'est-à-dire que il y avait eu des tentatives de collaboration d'autres mafieux avec la justice ou la police qui s'étaient soldées par des échecs parce qu'on ne les avait pas crus. En tout cas, on n'avait pas accordé à leurs paroles le crédit qu'ils méritaient. L'exemple le plus connu et paradigmatique étant celui de Vital qui, en 1974, s'était présenté à la police. Il avait déclaré être un homme d'honneur. Il avait retracé l'organigramme des familles mafieuses et il avait été enfermé à l'asile. Enfermé dans un asile pendant 10 ans. Lorsqu'il était sorti, il avait été immédiatement assassiné par Cosa Nostra. Ça donne à réfléchir sur quelles sont les conditions historiques, politiques, sociales qui permettent à une parole d'être écoutée et d'être légitime finalement dans l'espace social, si ce n'est juridique, comme source de preuve. Perçu comme vraisemblable. En voilà. Tout cas. Et ouais. Tout le travail de Falcone, qui a été le premier à accorder toute leur importance au rituel, à la culture aussi de la mafia, et qui a aussi, grâce à cela, pu établir une véritable communication avec des hommes d'honneur qui ont décidé de se confier à lui. Donc, ce qui a fait émerger ces théorèmes, cette formulation, qui consiste à dire que, tout simplement, la mafia est une association organisée, pyramidale, gérée, administrée par une commission, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont démocratiquement élues par le peuple mafieux, qui compte quand même plusieurs milliers de personnes en Sicile, qui prennent donc des décisions qui peuvent concerner aussi des contentieux, des faits de la vie quotidienne, mais aussi, bien sûr, l'élimination de telle ou telle personne à l'intérieur de la mafia ou à son extérieur. Donc, ce paradigme-là a été très important parce qu'il a permis de changer la manière de juger le crime mafieux. De le considérer autrement. De le considérer autrement et de considérer surtout quelle était la responsabilité des décideurs. Hein. Dans la mafia, il y a un élément très important, c'est la dissociation entre l'exécuteur et le décideur. Souvent, le crime, il est délégué à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne le décide pas. Avec obligation de l'accomplir. Avec obligation de l'accomplir, avec l'obligation de ne pas demander pourquoi il accomplit. Il n'en sait rien, il accomplit pour Cosa Nostra, ce qui fait quand même des machines à tuer assez performantes. Mais aussi des ascenseurs internes importants, parce que tuer, c'est aussi risquer de progresser, de s'élever dans la hiérarchie. De toute façon, quand on entre dans Cosa Nostra, on s'engage à tuer. Justement, par le rituel initiatique, on s'engage à tuer. Mais on a des chances de grimper des échelons. On a des... Oui, bien sûr. Enfin, après, il y a différentes qualités qui peuvent faire... C'est pas toujours la violence, c'est pas toujours... C'est aussi l'habileté politique, si vous voulez, parce que ce sont des lieux très sophistiqués. La commission, justement, c'est... Alors, la commission, oui. La commission, donc, cette assemblée de personnes qui prennent des décisions, qui établissent des sanctions, dont on a la preuve aujourd'hui aussi à travers des écoutes téléphoniques faites dans les endroits où les hommes d'honneur se réunissaient. Donc ce n'est plus de l'ordre du mythe, justement. Cette commission, quand on écoute par exemple ces enregistrements, on voit que dans le langage, dans la manière, dans les formes de discussion, la justice, le juste, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, est quand même un souci constant. C'est-à-dire que la décision, elle est prise parce qu'elle est juste. Ce qui veut dire que pour qu'elle soit perçue par vous, vous pluriel, comme juste, cela semble sous-entendre qu'il y a discussion, précisément, et palabre et peut-être négociation à l'intérieur. Oui. Oui, c'est la raison d'être de cette commission. Après, elle a pu, par moment, devenir un lieu d'abus de pouvoir. Mais ça... Oui, on est dans les affaires humaines, après tout. On est dans les... Voilà, dans la gestion du politique. Fermatevi! Giustizia per tutti. Io non voglio gli anni. Ora, giovinotto, ascolta bene quanto ti dico. Tu sei generoso, ma sconsiderato. Hai creduto impedire una violenza apparente e invece ti sei reso complice di una violenza effettiva. Hai impedito un atto di giusta rappresaglia contro le infinite ribalderie che si consumano giorno per giorno ai danni del popolo, ai tuoi stessi danni. La fratellanza dei beati Paoli è nata per difendere il popolo contro i tiranni, i deboli contro i forti, per combattere gli iniqui privilegi e per ristabilire la giustizia. I nemici del popolo, i tuoi nemici, sono i nostri nemici. Vieni con noi, i fratelli ti accolgono. Au fond de la pièce, il y avait une sorte d'autel en pierre. Au-dessus, entre deux bougies allumées, s'érigeait un Christ en croix. Au-dessous, un livre était ouvert. Devant l'autel, il y avait une table à laquelle étaient assis trois hommes masqués, habillés avec une sorte de sac noir. De part et d'autre, assis sur des sièges, six hommes étaient eux aussi masqués et couverts d'un sac. Ces lignes ont été écrites par Luigi Natoli entre 1909 et 1910. Ce bonhomme va écrire au travers de 239 épisodes un feuilleton en Italie fort célèbre qui est ce feuilleton. Et pourquoi en parlez-vous de votre côté, Deborah Pucciodin ? I Beati Paoli. C'est un feuilleton qui est paru dans le journal de Sicile, d'ailleurs, dans le journal, principal journal sicilien, qui a été lu, qui a été lu par tout le monde, donc par les hommes d'honneur, parmi d'autres. Donc il est paru une première fois en 1910 et après il a été republié dans les années 70, justement, dans le journal de Sicile. C'est une œuvre d'ailleurs en plusieurs volumes qui est devenue la toile de fond, ce que j'appelle le mythe d'origine de Cosa Nostra. C'est-à-dire quand un homme d'honneur entre dans la mafia, souvent lors du rituel, on lui raconte cette histoire, l'histoire de cette secte du XVIIe siècle qui défendait les faibles, qui répartissait les richesses, qui punissait les abus, qui se présentait comme une justice alternative à la justice d'État, qui était une justice injuste, hein, profondément injuste, parce que marqué par des rapports de pouvoir qui prenaient souvent la défense donc des riches et des puissants. Soit, d'accord. Le problème de ce mythe de la justice des faibles, finalement, est que lorsqu'on voit les personnes qui ont été le cible des violences mafieuses, il n'y a pas que des faibles. Il y a beaucoup de gens qui défendaient les faibles, justement. Il y a des syndicalistes, il y a des militants. Donc c'est difficile à croire. C'est difficile de créditer cette mythologie de vérité. Et pourtant, cette vision, elle existe, elle fonctionne et elle est partagée. Donc il faut comprendre pourquoi. Lors du maxi procès de Palerme, sur lequel on va revenir en détail, mais peut-être sur un moment particulier, c'est celui où le chef des chefs, si j'ose dire, interpelle le président pour lui dire « Cher président, la violenza non fa parte della mia dignità. Gliela ripeto, la violenza non fa parte della mia dignità. Ho capito perfettamente. La ringrazio, signor presidente. Sì. Voilà cette référence, Deborah Putschoden, à la religion, un décor fleuri de la part de celui qui prononce ces paroles et quelque chose de sérieux. Là, c'est un moment extraordinaire. C'est un moment extraordinaire où d'abord le chef des chefs, Michele Greco, le pape, demande la parole. Il veut avoir le dernier mot de cet immense procès, 484 imputés. Record non battu encore aujourd'hui. Hein. Voilà, ces moments, le premier dans l'histoire italienne, où l'association Cosa Nostra tout entière a été jugée. C'était une tâche monumentale. Ces moments est très important pour comprendre ce qui était en jeu pour l'histoire politique aussi de l'Italie. Donc le pape demande la parole pour dire que finalement la justice de Dieu est plus importante que la justice des hommes. Et que les juges, eux aussi, auxquels ils souhaitent la paix, hein, ce qui est visiblement une menace de mort, seront confrontés à cette justice divine. Et donc, c'est déjà une menace de mort et une délégitimation totale de tous ces immenses monuments de la justice des hommes, qui a été le maxi-procès, qui finalement s'effrite avec une seule phrase face à la justice divine. Or, il faut savoir que Michele Greco, il était réellement considéré dans son quartier, dans son village, Ciaculli, comme une figure très bienveillante, un protecteur, comme un homme de paix, comme quelqu'un de juste. Il faut savoir aussi qu'il a fait tuer plusieurs centaines de personnes. Donc, c'est là où la conjonction de coordination voilà. Ne fonctionne pas. Il voilà. Y a toujours les deux. Et toujours les deux. Et finalement, c'est à ces moments-là, parce qu'il y a eu des moments comme ça, et c'est pour ça que les procès sont un magnifique lieu pour étudier la mafia, la confrontation entre la justice mafieuse et la justice d'État, entre les ordres de justice, entre la justice d'État et la justice divine. Deborah Putschoden, vous évoquez, et avant même à ce micro, on en avait déjà parlé avec Roberto Saviano de la question des mots, des mots prononcés et de leur signification. Une question m'est venue. On a bien compris que sous certains mots couvaient des menaces ou des ordres illisibles pour ceux qui n'ont pas le dictionnaire. Néanmoins, quand le pape en question s'adresse au président, le président lui-même comprend-il le sens de la menace? A-t-il lui aussi acheté son propre dictionnaire et puis il l'a soigneusement étudié? Qu'est-ce qu'il en est? Parce que c'est un langage codé, mais en même temps c'est un langage codé qu'on peut qu'il est urgent de comprendre. Alors quel est le degré d'usure du code du langage codé? C'est un langage codé et il n'avait pas été compris par un certain nombre de magistrats, justement avant l'avènement d'une génération de magistrats siciliens, qui étaient même, pour certains, des mêmes, comme le juge Falcone ou Paolo Borsellino, des mêmes quartiers d'où étaient issus les hommes d'honneur, qui les avaient même fréquentés quand ils étaient enfants. Ils avaient même joué au foot avec eux. Et donc, ils étaient rompus à ces langages. Ils le connaissaient, mais pas seulement à ces langages de gestes, de silence. Tous les codes. Voilà, à ces codes aussi gestuels, corporels, et surtout au silence, aux multiples sens qu'on peut accorder à des poses bien placées à certains moments, plus ou moins longues. C'est ça ce qui a permis la communication entre Buscetta et Falcone. Donc, les magistrats du maxi processo ont très bien saisi cette menace, cette spécificité du langage et des gestes mafieux. Je peux vous l'expliquer même par les termes qui définissent l'association mafieuse dans la loi italienne, dans cette loi qui a été promulguée en 1982 à travers les conduites mafieuses qui sont trois: l'omerta, l'intimidation et l'assujettissement. L'omerta est le silence. C'est un silence envers l'État. C'est un silence qui fait frontière avec l'extérieur. L'intimidation, c'est un homme qui va passer devant votre boutique et va juste marcher devant votre boutique. D'accord? Jusque-là, ça va. Sauf la connaissance que vous avez du territoire vous fait repérer le fait que ce n'est pas un homme parmi d'autres, mais que c'est précisément un homme d'honneur, ou que c'est quelqu'un qui est envoyé par des hommes d'honneur. Et le troisième, c'est l'assujettissement. C'est-à-dire, c'est le fait d'assujettir les citoyens à une autre loi qui n'est pas la loi de l'État, et le fait d'être soi-même, c'est un double versant, soi-même assujetti à la domination morale, politique, normative de Cosa Nostra. On se retrouve demain pour la suite de cette thématique autour de la mafia. Nous serons en compagnie de l'économiste Clotilde Champérache. Cette semaine est réalisée par Jean-Philippe Zvalen. Proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacher. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.